إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans notre explication dans la lecture du livre Risalatun fi Tawhid al-Ibadah, Sharhu Risalatun fi Tawhid al-Ibadah. C'est un livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, expliqué par le Cheikh Mohammed Bezmoul, Hafizahullah. Et donc, on est arrivé à un endroit où le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, قال المصنف يرحمه الله وعرفت أن هذا هو التوحيد الذي أفرض من الصلاة والصوم ويغفر الله لمن أتى به يوم القيامة ولا يغفر لمن جهله ولو كان عابدا. Ça signifie que maintenant tu sais que ça c'est le tawhid, c'est-à-dire de purifier ton adoration pour qu'elle soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ça, ce tawhid, c'est plus obligatoire que la salat et c'est plus obligatoire que le jeûne dans l'islam. Et que celui qui arrive avec le tawhid au jour de la résurrection, il sera pardonné. Tandis que celui qui arrive au jour de la résurrection sans le tawhid, c'est-à-dire en ayant commis le shirk, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas, même si cette personne faisait partie des adorateurs, si elle ignorait ce tawhid. Donc, le Cheikh Bezmoul, il explique une partie de cette énoncé de la part du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit, قَوْلُ الْمُصَنِّفِ يَرْحَمْهُ اللَّهِ لَا يَغْفِرُ وَلَا يَغْفِرُ لِمَنْ جَهِلَهُ وَلَوْ كَانَ عَابِدًا فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى مَسْأَلَةِ الْعُذْرِ بِالْجَهَلِ ومراد المصنف يرحمه الله أن من كانت لديه القدرة على التعلم ومعرفة التوحيد ومع ذلك تساهل أو أعرض أو تكاسل في تعلمه وعمل بالشرك وبما يناقض التوحيد من صرف العبادة لغير الله فإنه لا يعذر بالجهل ولو كان أعبد الناس ولو كان أعبد الناس. لشيخ الزي ك Lorsque le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab nous dit que Allah ne va pas pardonner à celui qui a ignoré le tawhid, même si c'est le plus grand adorateur parmi les gens, eh bien il y a dans cet énoncé, yani, quelque chose qui nous fait comprendre ou qui amène notre attention sur la question de al-udhru bil-jahl, c'est-à-dire de savoir est-ce que la personne est excusée lorsqu'elle fait des actes de shirk par ignorance. Est-ce que la personne est excusée lorsqu'elle fait des actes de shirk ou elle dit des paroles de shirk par ignorance? Parce que le Cheikh il dit que Allah ne pardonnera pas à celui qui a ignoré le tawhid, même s'il est parmi les plus grands adorateurs. Donc le Cheikh il dit que ce que l'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que toute personne qui avait la capacité d'apprendre, la capacité d'étudier le tawhid, de connaître le tawhid, et qui, malgré ça, a pris la chose, a négligé la chose, s'est détourné de l'apprentissage du tawhid et a été paresseux vis-à-vis de l'apprentissage du tawhid et qu'il a appliqué ou fait des actes de shirk, et il a ramené ce qui vient en opposition avec le tawhid en offrant des actes d'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, barakallahu fikum, alors dans ce cas-là, il ne sera pas excusé pour son ignorance, même si c'était le plus grand des adorateurs parmi les gens. فمن جهل معنى التوحيد والحال هذه لا يعذر. Donc celui qui ignorait la signification du tawhid dans une situation pareille, alors il ne sera pas excusé pour son ignorance. C'est-à-dire, quelqu'un qui avait la capacité d'apprendre et d'étudier le tawhid et qui a fait preuve de négligence et qui s'est détourné de l'apprentissage et qui a fait preuve de paresse dans la quête de la science à ce sujet-là, il ne sera pas excusé pour son ignorance dans ce cas-là. Le cheikh il dit man qala ana aqulu la ilaha illallah wa yatufu bil qabr نقول له أنت تجهل معنى لا إله إلا الله أنت أصلا ما ثبت إسلامك ولا تعذر بهذا الجهل ما معنى أن تقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنت تذبح للقبر وأنت تذبح للقبور وتنذر لها وتطوف بها ما معنى هذا أنت لا تعذر بجهلك ولذلك هو يقول ولا يغفر لمن جهله. Donc le cheikh il dit, celui qui dit par exemple je dis la ilaha illallah, et puis ensuite il va faire le tawaf autour d'une tombe, le cheikh il dit, on lui dit à cette personne, toi tu ignores la signification de la ilaha illallah, donc à la base ton islam n'est même pas affirmé, c'est-à-dire le fait que tu ignores la signification de la ilaha illallah, eh bien ton islam n'est même pas établi, même pas confirmé à la base, puisque quelqu'un ne peut pas être musulman s'il n'a pas compris la signification de la ilaha illallah. Pour être un musulman, ça signifie que tu dois comprendre la signification de la ilaha illallah. Donc, où est-ce qu'elle est? Donc dans ce cas-là, tu n'es pas excusé pour ton ignorance. Et que signifie de dire je suis musulman et de dire je témoigne de la ilaha illallah et de Muhammadan Rasulullah alors que toi tu sacrifies pour une tombe des animaux et tu fais des vœux pour une tombe et tu fais le tawaf autour de la tombe, alors qu'est-ce que ça signifie ça? Qu'est-ce que c'est ça, cette signification-là? Tu dis la ilaha illallah pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie lorsque tu dis la ilaha illallah ou lorsque tu dis que tu es musulman alors que tu fais ces actes de shirk qui sont en opposition avec la ilaha illallah? Donc le shirk dit, dans ce cas-là tu n'es pas excusé par ton ignorance, et c'est pour cette raison-là que le shirk dit que Allah ne va pas pardonner à celui qui l'a ignoré. Wa mahallu adam al-'udhri bil jahl huna liman amkanahu talab al-'ilm wa ma'rifat at-tawhid thumma huwa yu'rid wa yatawalla aw yatasahal wa yatakasal. وهذه هي مسألة العذر بالجهل والعلماء وأئمة السنة يقررون أن مسائل الدين الأصلية التي هي مقتضى الدين كتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بالأمور التي ذكرناها لكم سابقا يقولون لا يعذر فيها بالجهل لأن هذا هو الدين وهذا هو الإسلام لا يعذر فيها بالجهل إذا أمكنه معرفة الحق وطلبه ومع ذلك هو يتمادى في الشرك والعمل بما يخالف التوحيد. Donc le cheikh il dit que le point de la question de العذر بالجهل, lorsqu'on parle de la question d'excuser quelqu'un qui commet le shirk à cause de l'ignorance, le point à prendre en considération ici, c'est la personne, quand on dit qu'elle n'est pas pardonnée ou qu'elle n'est pas excusée de son ignorance, c'est lorsqu'elle a la capacité d'apprendre et lorsqu'elle a la capacité de chercher la science. Hein? Elle a à proximité les ulama, les livres, les audios, hein? Les fatawa. Elle peut aller demander, elle peut aller questionner, elle peut lire, elle peut entendre les enseignements de l'islam, les enseignements du tawhid. Hein? Dans ce cas-là, cette personne, elle n'est pas excusée si elle ignore le tawhid. Hein? Parce que si elle ignore le tawhid parce qu'elle a fait preuve de négligence, elle s'est détournée, hein, elle n'a pas voulu étudier ça, elle a pensé peut-être que c'est pas important, ou bien elle a fait preuve de paresse. Alors le cheikh il dit que les ulama et les imams de la sunna, ils confirment que dans les questions qui font partie des questions de base dans la croyance islamique et dans l'islam, qui sont des implications même de la signification fondamentale de cette religion-là, comme par exemple la réalisation de la signification du témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, hein, par les choses qu'on a mentionnées précédemment. Alors les ulama disent à ce sujet-là que quelqu'un n'est pas excusé dans ces questions-là. N'est pas excusé dans ces questions-là. Pourquoi? Parce que c'est ça la religion, c'est ça le cœur, le centre de cette religion-là. Si quelqu'un ne le connaît pas ou ne l'a pas compris, alors il n'a pas compris l'islam, il n'a pas compris la raison même de qu'est-ce que signifie cette religion-là. Donc, comment pourrait-il penser qu'il est musulman ou être excusé dans ces questions-là? Puisque la chose même qui fait en sorte qu'il soit un musulman, il ignore ce que ça signifie. Donc le cheikh il dit, il n'est pas excusé pour son ignorance lorsqu'il a la capacité d'obtenir cette connaissance-là, de connaître la vérité et de la rechercher, puis que cette personne-là, malgré cette capacité d'obtenir la vérité et de la trouver, il persiste dans le shirk et il continue à faire des actes qui vont en opposition et en contradiction avec le tawhid. D'accord? Donc dans des cas comme ça, quelqu'un n'est pas excusé. Et le cheikh il dit وفرق عند أهل العلم بين المسائل المعلومة من الدين بالضرورة فإنه لا يناسبها أن يعذر فيها بالجهل إذ يمكنه العلم والمعرفة بطلب الحق والسؤال عنه وبين المسائل التي فيها غموض وأدلتها غير ظاهرة فإنه قد يسعى المرء للعلم بها ولكن تخفى عليه. وأهل السنة والجماعة متفقون على أصل أن الجهل مانع من الحكم بالتكفير واختلافهم في تحقيق المناط فإن الجهل المعتبر عند الجميع هو الجهل الذي أدى صاحبه ما هو واجب عليه من طلب الحق ومعرفته وكان هذا هو مبلغه من العلم بعد بذل السبل المتيسرة له أما الجاهل الذي يستطيع رفع سمة الجهل عنه ومع ذلك يتولى ويعرض ويتساهل ويتهاون فهذا لا يعذر بجهله لأنه أمكنه رفعه وهو الذي قصر وحين تنزيل العلماء هذه المسألة على الواقع قد يختلفون في التنزيل مع عدم اختلافهم في التأصيل. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit il y a une différence parmi les hommes de science, ils font une distinction entre les questions de la religion qui sont des questions connues par nécessité dans la religion, des choses qui sont connues par nécessité dans la religion, parce que ces choses-là, hein, il ne convient pas à un musulman de les ignorer, et par rapport à comme par exemple d'autres questions, donc il distingue entre ça et d'autres questions qui pourraient parfois être, disons, plus subtiles ou plus compliquées et que ce n'est pas tout le monde qui peut les connaître. Donc dans des questions comme ça, c'est possible que ces sujets ou ces questions-là échappent à certaines personnes. Et donc c'est possible dans ces questions-là qu'il soit excusé dans ces questions-là si ce sont des questions très compliquées ou détaillées ou très subtiles. D'accord? Donc, c'est-à-dire que les ulama font une distinction entre qu'est-ce qui est connu de la religion par nécessité, hein, et d'ignorer ces choses-là, alors que ce sont des choses qui ne conviennent pas qu'un musulman les ignore. Lorsque cette personne, bien entendu, comme on l'a expliqué plus tôt, est capable d'obtenir cette connaissance-là, et que, yani, elle a la capacité, yani, d'aller chercher cette vérité, et, ou de questionner les hommes de science, hein, et les savants de l'islam au sujet de ces questions-là, dans ces questions-là, il n'y a pas d'excuse pour d'être ignorant. Tandis que les questions dans lesquelles il peut y avoir des choses très subtiles ou un peu obscures pour certaines personnes lorsqu'ils ont un peu de connaissances ou de compréhension, alors c'est certain que ces questions-là pourraient échapper à beaucoup d'entre les musulmans, et donc dans ces questions-là, ils peuvent être excusés s'ils les ignorent. Donc il faut distinguer entre ces deux catégories-là. Les questions qui sont connues de la religion par nécessité et qui font partie des choses essentielles dans l'islam, et d'autres choses qui sont subtiles et plus compliquées ou inconnues de la majorité des gens, que c'est seulement certains qui les connaissent. D'accord? Comme par exemple les choses qui sont connues par nécessité de la religion, comme le tawhid, hein? Comme par exemple l'obligation de la salat, l'obligation de la zakat, l'obligation du hajj, ou bien l'interdiction du zina et de l'alcool et du porc, et des choses de ce genre. Ça, c'est des choses, en général, tous les musulmans connaissent ces choses-là. Et personne ne peut être excusé de dire, moi j'ignore, hein, j'ignore le tawhid, qu'est-ce que ça signifie, hein? Si la personne, comme on l'a dit, elle a la capacité et les moyens d'obtenir cette connaissance-là ou de questionner au sujet de ces questions-là. Et le cheikh, il explique que les gens de Ahlus Sunnah, les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils sont d'accord sur un fondement, c'est que l'ignorance est quelque chose qui fait que on est empêché d'appliquer le verdict du takfir sur un individu. C'est-à-dire du fait que si une personne est ignorante, eh bien, on ne peut pas dire à propos de cette personne qu'elle est mécréante. Mais il faut bien comprendre de quelle ignorance on parle. On l'a expliqué depuis tout à l'heure. C'est bien entendu l'ignorance de la personne qui a la capacité d'obtenir la connaissance à propos de quelque chose, puis qui fait preuve de paresse, de négligence et qui s'en écarte. Hein? Donc sur cette question-là, ils sont d'accord. Hein? C'est un fondement parmi les gens d'Ahlus Sunnah, que l'ignorance, c'est quelque chose qui peut faire que le verdict ne soit pas appliqué sur quelqu'un lorsqu'il fait ou dit quelque chose qui est kufr ou shirk. Toutefois, sur l'application sur un individu de ce verdict-là, ou sur un cas spécifique ou particulier, là, c'est possible qu'il diverge. Hein, comment appliquer ce verdict-là? Et donc, le cheikh dit « فَإِنَّ الْجَهْلَ الْمُعْتَبَرَ عِنْدَ الْجَمِيعِ هو الجهل الذي أدى صاحبه ما هو واجب عليه من طلب الحق ومعرفته وكان هذا هو مبلغه من العلم بعد بذل السبل المتيسرة له. C'est-à-dire que l'ignorance qu'on prend en considération, comme on a dit, selon tous les savants et tous les gens d'Ahlus Sunnah, c'est l'ignorance après que la personne ait fait tout son possible et tout ce qui est obligatoire pour elle pour obtenir la connaissance de la vérité, hein, et qui est arrivé à la limite de ce qu'elle possède comme connaissance et comme science après avoir fait tous les efforts et cherché tous les chemins qui lui sont possibles pour obtenir donc une connaissance quelconque. Si après cet effort-là, elle a ignoré certaines choses ou certaines questions, alors dans ce cas-là, elle sera excusée. En ce qui concerne l'ignorant, أَمَّا الْجَاهِلَ الَّذِي يَسْتَطِيعُ رَفْعُ سِمَةَ الْجَهْلِ عَنْهُ, l'ignorant qui est capable de retirer, de faire en sorte qu'il ne soit plus ignorant. Quelqu'un qui est ignorant, mais qui est capable de faire en sorte qu'il acquiert cette connaissance. C'est-à-dire, les connaissances sont présentes près de lui, à proximité, et sont faciles d'accès. Hein, mais que cette personne-là se détourne. Et prend les choses à la légère, dit « Ah, c'est pas grave, je veux pas apprendre le tawhid, je ne vais pas faire des efforts pour connaître le tawhid. Ou bien, elle prend ça, elle le dénigre ou elle le prend à la légère, comme si ce n'était pas sérieux ou pas important. Alors cette personne-là, elle ne sera pas excusée pour son ignorance. Parce qu'il était capable de faire en sorte d'obtenir et de connaître. Donc, cette personne-là, c'est une personne qui a fait preuve de négligence et de manquement. Donc, le cheikh, il dit, il se peut que les ulama, lorsqu'ils appliquent ce verdict-là sur une situation ou un point dans la réalité, ça se peut qu'ils divergent entre eux. Toutefois, dans les fondements et dans les principes, ils ne divergent pas. Dans la question de façon générale, quand on parle sur le plan des principes, ils sont tous d'accord. Sauf que quand c'est le temps d'appliquer le verdict sur l'individu en particulier, là ça se peut qu'il y ait divergence entre un savant et un autre au sujet de l'application du verdict. Le cheikh il dit وَتَرَى حَالَ الْمُسْلِمِينَ فِي بَعْدِ الْبِلَادِ أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَمَعَ ذَلِكَ يَطُوفُونَ بِالْقُبُورِ وَيَسْبَحُونَ لَهَا ويفعلون ما هو من عمل المشركين فإذا نظرت في حكمهم عند أهل العلم رأيت منهم من يحكم بكفرهم بدون تعيين ومنهم من لا يحكم بكفرهم. Il dit, lorsque tu regardes l'état des musulmans dans certains pays et que tu vois qu'ils disent, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, et malgré ça ils font le tawaf autour des tombes et ils égorgent ou sacrifient ou immolent des animaux pour autre que Allah, c'est-à-dire pour ces tombes. Et ils font ce que font les mushrikines à l'endroit de ces tombes. Lorsque tu regardes qu'est-ce que les ulama disent à propos de ces gens-là, tu verras que il y a parmi les hommes de science et parmi les savants de l'islam qui appliquent le verdict de kufr à leur sujet, c'est-à-dire ils vont dire ceux qui font ça, ça c'est du kufr, sans désigner d'individu en particulier, mais ils expliquent que ça c'est du shirk et ça c'est du kufr, sans désigner un individu en particulier, tandis que d'autres ulama ne vont pas juger ou dire que ce sont des gens qui sont dans le kufr. Le cheikh il dit ومن لم يكفر يقول لأنهم يرون العلماء في بلادهم الذين يسمون بالعلماء يفعلون هذه الأفعال يطوفون بالقبور ويأتون إلى المشاهد ويأتون إلى الأضرحة ويفعلون هذه الأمور التي هي من الشرك والعوام يفتحون أعينهم أن هذا عالم كبير فالشيخ يرى أن هؤلاء يعذرون بالجهل من جهة أن حال الناس هؤلاء يقتضي عذرهم بالجهل لأن هذا مبلغهم من العلم. Donc le cheikh il dit, donc ceux parmi les ulama qui ne les ont pas déclarés kuffar, ils disent que la raison pour laquelle ils ne les ont pas déclarés kuffar, ceux qui font ces actes de shirk, ils disent que c'est parce que ces gens-là qui font ces pratiques-là et ces actes de shirk, c'est-à-dire, les ulama à la base ils sont d'accord que ça c'est du shirk. Sauf qu'ils disent que ces gens-là qui pratiquent ces choses-là, ils ont vu dans leur pays des gens que eux considèrent comme étant des savants ou comme étant des ulama faire ces actions-là. C'est-à-dire, ils ont vu des gens qu'ils eux considéraient comme étant des ulama faire ces actes de shirk. Et faire le tawaf autour des tombes et faire d'autres actes de shirk de ce genre. Et donc, ils les voient faire ces choses-là, et les gens ordinaires, le commun d'entre les musulmans qui n'a pas fait d'études approfondies de l'islam et de la sharia et de la aqida, voient ces gens-là, ils pensent ou ils considèrent que ce sont des modèles à suivre pour eux. Et donc, quand ils voient ces gens-là qu'ils pensent être des grands savants, faire ce genre de choses-là, alors les shuyukh et les ulama, ils les voient et ils considèrent que ces individus-là, le commun d'entre les musulmans parmi ces gens-là qui voient ces choses-là, sont excusés pour leur ignorance. Dans le sens que l'état de ces gens-là implique qu'ils soient excusés, parce que c'est ça la limite de ce qu'ils ont comme connaissance au sujet de l'islam. C'est-à-dire, c'est juste ça qu'ils ont pu apprendre. Et les gens qui sont supposés être leur modèle et leur guide sont des gens qui sont dans l'égarement. Et donc, à cause de ça, ils n'ont pas d'autre source de référence ou de connaissance au sujet de l'islam. Et donc, à cause de ça, on dit que ces gens-là sont excusés à cause du fait qu'ils n'ont pas d'autre moyen de connaître la réalité sur le tawhid que ça. D'accord. Tandis que ceux qui les ont déclarés kuffar, le cheikh dit وَمَنْ يُكَفِّرْهُمْ يَقُولُ هَؤُلَاءِ لَا يُعْذَرُونَ بِالْجَهْلِ لِمَاذَا لِأَنَّ هَؤُلَاءِ يُمْكِنُهُمْ مَعْرِفَةَ الْحَقِّ مِنْ وَسَائِلِ الْإِعْلَامِ مِنَ الْجَرَائِدِ وَالْمَجَلَّاتِ وَالْإِذَاعَةِ وَالتَّلَفِزِيُونِ ويسمعون أن هذه الأمور كفر وشرك فلا يعتذر حالهم هذا حال جهل يعذرون به. Donc le cheikh il dit que ceux qui les déclarent kuffars, qui dit que ceux qui pratiquent ces choses-là sont des kuffars, eux ils se basent sur le fait que ils disent qu'ils sont kuffars, et parce qu'ils disent cela ne sont pas excusés pour leur ignorance. Ils ne sont pas excusés pour leur ignorance parce qu'ils ont la capacité de connaître la vérité par les moyens de communication qui existent actuellement et par les médias, comme par exemple les journaux, les magazines, par la radio, par la télévision, par tous ces moyens qui existent aujourd'hui. Les gens sont capables de connaître et d'entendre que ce que ces gens-là font, c'est du kufr et du shirk. Et donc, ils considèrent que ces gens-là ne sont pas dans les cas ou dans les situations de ceux qui sont excusés pour leur ignorance. Et ici, on regarde les deux exemples qu'on vient de mentionner. Il y a beaucoup d'exemples de ça dans les paroles des ulama actuellement dans le temps contemporain. Il y en a parmi les ulama d'Ahl Sunnah qui ont pris une de ces deux positions-là. Par exemple, on entend souvent, par exemple, des exemples du cheikh Mohamed Aman Al-Jami, un des mashayikh d'origine éthiopienne, qui était à Al-Madina, Al-Munawwara, qui enseignait l'islam et le tawhid, et qui a donné plusieurs cours sur l'explication des livres du cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab et du cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc, on l'entend régulièrement et souvent dans différents cours expliquer qu'il faut comprendre que beaucoup de musulmans actuellement dans les pays musulmans sont ignorants de la réalité de l'islam et qu'il faut les excuser pour leur ignorance. Et il mentionne également que, beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas eu d'autres références que des gens d'égarement pour leur montrer qu'est-ce que c'est l'islam. Et à cause de ça, ils sont tombés dans des pratiques et dans des actes de shirk. Et donc, à cause de ça, il excuse ces gens-là. Et il dit, lorsque le da'ya, lorsque le talib ilm a étudié l'islam et qu'il va dans les pays musulmans pour commencer à enseigner aux musulmans, il dit, il faut commencer par les éduquer. Commencer par les éduquer sur la réalité de l'islam, sur la réalité du tawhid, sur la réalité de cette aqidah, pour qu'ils puissent connaître qu'est-ce que ça signifie. Parce que dans ces pays-là, souvent, qu'est-ce qui se passe? Et surtout dans les petits villages éloignés de la ville, et dans les contrées éloignées, et dans les montagnes, et ailleurs dans ces régions-là, eh bien, souvent, ceux qui ont pris le contrôle et les postes d'enseignement et d'éducation, ce sont des gens parfois qui ont une aqidah qui est fausse et qui font partie des gens qui suivent les voies d'égarement. Et donc, il faut que ces gens-là qui ont étudié, qui ont appris l'islam et la aqidah et le fiqh et le hadith et le tafsir, ainsi de suite, ils aillent dans ces régions-là et qu'ils s'installent et qu'ils commencent par l'enseignement et par l'éducation, pour que les gens puissent connaître la réalité de l'islam, et pour qu'ils puissent connaître la différence entre le tawhid et le shirk. Et par la suite, souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces gens-là, ils reconnaissent tout de suite d'eux-mêmes l'égarement dans lequel ils étaient, et ils abandonnent les pratiques de shirk et de kufr qu'ils étaient en train de pratiquer. Toutefois, si quelqu'un arrive, comme ça, de cette manière, de l'extérieur, et qu'il commence, première chose qu'il fait, commencer à dire, vous êtes des mouchriquines, et qu'est-ce que vous faites, c'est du shirk. Eh bien, c'est bien entendu que ces personnes-là ne vont pas vouloir accepter ou écouter ou comprendre quoi que ce soit, et ils vont au contraire rejeter la da'wa et rejeter l'appel. Et donc, c'est très important et c'est fondamental, comme on a expliqué, de commencer par l'éducation et par l'enseignement de l'islam, du tawhid et de la sunna avant toute chose, puis par la suite, si les gens s'égarent ou refusent la vérité par la suite, ça c'est autre chose. Mais il faut faire la distinction entre les deux, et en particulier, comme on l'a expliqué dans le cours précédent, dans les pays musulmans où les gens ne parlent pas l'arabe classique, et où les gens n'ont pas accès à la connaissance de la langue arabe, que ce soit en Afrique ou en Asie ou ailleurs, ou dans les pays non musulmans. Donc, dans des cas comme ça, les ulama, ils ont expliqué que ces gens-là sont encore plus excusés, puisqu'ils ont encore moins d'accès à la science et à la connaissance. Et une chose qui est importante également aussi, et que beaucoup de gens parfois négligent, c'est qu'il est très important que l'islam et le tawhid et la aqidah soient enseignés à ces gens-là dans la langue qu'ils comprennent. C'est-à-dire que si ces gens-là, par exemple, parlent un dialecte, que ce soit par exemple dans un pays comme par exemple certains pays du Maghreb où les gens parlent Darija, eh bien, si on leur parle en arabe Fusha et qu'on leur lit les choses ou qu'on leur explique les choses de cette manière, eh bien, c'est possible que beaucoup d'entre les gens du commun, d'entre les musulmans, ne seront pas capables de comprendre la signification de qu'est-ce qui leur est expliqué dans les détails. Et donc, le da'ya qui veut avoir une da'wa qui est effective et qui aura un impact, il faut qu'il s'adresse à ces gens-là dans la langue qu'ils comprennent, c'est-à-dire dans la langue Darija, pour que tout le monde puisse capable de comprendre et soit apte à accepter le message. Et la même chose pour les gens qui viennent de d'autres pays où les gens sont par exemple berbères, où les gens sont parlent d'autres langues ouest-africaines, comme par exemple en Afrique de l'Ouest, dans différents pays africains, au Sénégal ou au Mali ou dans d'autres pays, ils vont parler Wolof ou ils vont parler la langue Peul ou bien ils vont parler le Bambara ou d'autres langues de ce genre. Et la même chose pour les pays d'Asie où les gens parlent Urdu ou ils parlent Perse ou Pashto ou d'autres langues. Le Tawhid et la Aqidah doit leur être transmis dans la langue qu'ils comprennent et dans le dialecte qu'ils comprennent, pour qu'ils n'aient plus d'excuses par la suite d'avoir rejeté la vérité et de ne pas avoir compris le tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran, dans surat Ibrahim, qu'il a envoyé chaque messager bilisani qawmihi liyubayyina lahum, avec la langue de son peuple, pour qu'il puisse leur clarifier le message. Donc si quelqu'un arrive vers des gens et qu'il leur parle dans une langue qui est complètement étrangère à leur langue, comme si quelqu'un veut faire la da'wa en Chine à des Chinois et il veut leur expliquer le tawhid et l'islam et qu'il ne parle pas chinois, eh bien c'est évident qu'il ne sera pas capable de leur transmettre le message de cette religion. Donc la langue, ça a une grande importance dans la da'wa de l'islam, et en particulier dans ces questions dont on est en train de parler, comme al-udhru bil jahl, le fait qu'on soit excusé pour notre ignorance. Et donc ça, c'est une parenthèse pour clarifier cette question. Le cheikh, il dit ensuite: فَهَذَا مِنْهُمْ مِنْ بَابِ الْإِخْتِلَافِ فِي التَّمْثِيلِ وَالتَّنْزِيلِ لَا فِي التَّعْصِيلِ إذ اتفقوا على أنه لو أسلم إنسان وهو في مجاهيل أفريقيا أو في بلاد بعيدة لا يبلغه الدين الحق وليس هناك من يعلمه التوحيد وأمور الدين أنه يعذر. وإذا جاء المرء بالشرك وما ينافي توحيد العبادة فإنه مشرك ولو كان عابدا وما تنفعه عبادته. Donc le cheikh, il dit, et donc les ulama, quand certains d'entre les ulama disent à propos des gens en général dans un pays où les gens pratiquent le shirk, que ces gens-là sont excusés, ou bien ceux qui disent qu'ils ne sont pas excusés pour les raisons qu'on a expliquées plus tôt, eh bien, c'est une divergence dans la présentation, hein, dans la présentation et dans l'application du verdict, hein, mais non pas dans les fondements et dans les bases, parce qu'ils sont d'accord dans les fondements et dans les bases. Et comme on a expliqué précédemment dans les cours précédents, la différence entre les règles générales et l'application du verdict sur un individu en particulier, les deux, c'est deux choses différentes. Hein? Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et il dit, pourquoi c'est une divergence dans la compréhension et dans les exemples et dans l'application du verdict et non pas dans les fondements? C'est parce que tous ces savants-là, ces deux groupes ou ces deux catégories-là, sont tous d'accord sur le fait que si un individu se convertit dans les régions où les gens sont ignorants, comme par exemple dans différents pays où les gens ignorent complètement qu'est-ce que c'est l'islam, comme par exemple en Afrique ou dans d'autres contrées éloignées, imaginons par exemple en Amazonie ou dans d'autres endroits comme ça, que des gens se convertissent à l'islam et qu'ils n'ont aucune connaissance de la religion de l'islam, hein, et qu'il y en a des endroits loin où la da'wa de la vérité n'est pas allée. Alors, dans ces endroits-là, il n'y a personne qui est présent pour enseigner le tawhid et les fondements de la religion, ils sont tous d'accord pour dire que celui-là, il est excusé. Ils sont tous d'accord pour dire que celui-là, il est excusé. Et si quelqu'un, par contre, vient avec du shirk, ou qu'est-ce qui s'oppose avec le tawhid dans l'adoration, alors dans ce cas-là, c'est un mushrik, même si c'est un adorateur et il ne sera pas excusé, et son adoration ne lui sera pas bénéfique. Le cheikh, il dit, وَتُذْكَرُ أَنَّ هَذَا الدِّينَ يَقُومُ وتذكر أن هذا الدين يقوم على أصلين أن لا نعبد إلا الله وأن لا نعبد إلا بما شرع. فالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كلام له عن اللحية قال لا شك أن حلق اللحية أشد في الإثم لأنه استئصال للحية بالكلية ومبالغة في فعل المنكر والتشبه بالنساء. أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ومخالف للأحاديث الصحيحة ولكنه دون الحلق. أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء. Donc le cheikh, il dit, on rappelle donc que cette religion, elle est établie sur deux fondements. Le premier, c'est que personne ou rien ne soit adoré excepté Allah. Et le deuxième, c'est qu'on adore Allah uniquement par ce qu'il a légiféré. Ok? D'accord? Et donc, le cheikh, il dit que le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, il a clarifié ce principe-là dans une citation qu'il a mentionnée au sujet de la barbe. Au sujet de la barbe. Et bien entendu, la barbe, c'est juste un exemple parce que ça s'applique à plusieurs autres questions de la religion. Mais c'est juste pour donner un exemple du principe. Donc, le cheikh, il dit qu'il n'y a pas de doute que de raser la barbe, c'est un très grand péché. Et quand on dit raser la barbe, c'est-à-dire, bien entendu, de l'enlever à la racine. Hein, lorsqu'on la rase à la racine, lorsque quelqu'un la rase au ras de la peau. Hein, là, ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-halq, c'est-à-dire de raser. Ça, c'est un très grand péché parce que c'est une exagération dans le fait de faire quelque chose qui est contraire à l'islam et un péché. Et il y a dans ça le fait de ressembler aux femmes, puisque bien entendu si une femme porte une fausse barbe, on va lui dire qu'elle imite ou elle ressemble aux hommes. Donc si un homme rase sa barbe, il y a une certaine ressemblance à la femme et un changement aussi sur le plan de la fitra à ce sujet-là, puisque la barbe fait partie des sunan de la fitra. En ce qui concerne celui qui ne rase pas complètement, mais qui fait juste diminuer sa barbe, le cheikh il dit qu'il n'y a pas de doute que ça c'est également quelque chose qui est mauvais et qui est contraire au hadith authentique. Toutefois, c'est pas quelque chose qui est aussi grave que de la raser complètement. C'est-à-dire de la diminuer, la barbe, c'est pas aussi grave que de la raser complètement. Le cheikh il dit ensuite, en ce qui concerne celui qui rase sa barbe, on le considère comme étant quelqu'un qui fait un péché. Et il n'est pas kafir. Il n'est pas kafir, même s'il croit que c'est halal de le faire, en se basant sur une erreur dans sa compréhension, ou par le fait qu'il a suivi certains d'entre ceux qu'il considère comme étant des ulama ou des savants. Et donc le cheikh il dit, « Wal wajibu an yunsah wa yuhadzaru » ويحذر من هذا المنكر لأن حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها. Donc le cheikh il dit, et l'obligation donc dans ce cas là c'est de donner la nasiha et de mettre en garde contre ce munkar, contre ce mal, parce que la question, le verdict au sujet de la barbe, en général, on peut dire qu'il y a une divergence à ce sujet-là entre les hommes de science. Est-ce qu'il est obligatoire de la laisser pousser, ou bien il est permis de la diminuer ou de la baisser, hein, de la couper légèrement. Le cheikh il dit, أَمَّا الْحَلْقُ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ بِجَوَازِهِ. En ce qui concerne le rasage de la barbe, je ne connais aucun d'entre les hommes de science qui a dit que c'était permis de le faire. ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه لجهل أو تقليد بخلاف الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها فإن استباحتها كفر. Donc le cheikh il dit, mais hein, il dit je ne connais aucun savant qui a divergé au sujet de l'interdiction de la barbe, et je ne connais aucun homme de science qui a dit que c'était permis de la raser, mais malgré ça, ça n'implique pas que la personne qui croit que c'est permis de la raser a rejeté l'islam ou la foi, où il est devenu mécréant. C'est-à-dire, il n'est pas devenu mécréant. On ne dit pas qu'il devient mécréant parce que il dit que c'est permis de la raser à cause d'une ignorance, ou parce qu'il a suivi aveuglément quelqu'un qu'il pense être un savant qui aurait dit que c'était permis de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour clarifier un peu plus, c'est-à-dire que si tu vois quelqu'un, le cheikh il dit, tous les savants sont d'accord que c'est haram de raser la barbe. Il n'y a pas un savant qui a dit que c'est permis de le faire. Cheikh Ibn Baz dit, il connaît aucun savant qui a dit que c'était permis de raser la barbe. Donc, raser la barbe, c'est haram. Il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf que, yani, si tu vois quelqu'un qui croit que, ou qui pense que, de raser la barbe, c'est permis, ça ne veut pas dire qu'il est kafir. Hein? Parce que, il le fait par ignorance. C'est-à-dire, il dit que c'est permis de raser la barbe par ignorance. Ou bien, parce qu'il a suivi un savant, ou quelqu'un qu'il considère ou pense être un savant dans l'islam, et il a suivi son opinion et sa position, aveuglément. Hein? Et donc, dans ce cas-là, il est excusé. Parce que cette question-là, c'est une question qui est subtile pour certains. C'est pas tout le monde qui connaît les détails à ce sujet-là. Et donc, il peut être excusé dans ce genre de questions. Tandis que dans d'autres questions qui sont claires, et dont les choses dont les interdictions sont claires dans la religion, et qu'il y a des textes explicites à leur sujet, et qui sont connus par nécessité de la religion de l'islam, eh bien là, dans ce cas-là, si quelqu'un le rend halal, c'est clair que ça c'est kufr. Et en si quelqu'un rend le porc halal, ou l'alcool halal, ou des choses comme ça, il les rend halal, ça, c'est clair que la personne qui fait ça, il va être kafir. Parce qu'il contredit clair, ce qui est clair dans le Coran et dans la Sunna. Mais pour des questions comme, par exemple, pour la barbe, si quelqu'un a suivi un ignorant qu'il pensait être un savant, ou bien des fois, qu'est-ce qui se passe parmi les musulmans aujourd'hui, c'est qu'ils écoutent quelqu'un qui parle à la télévision ou sur les chaînes satellites, qui donne des cours sur l'islam, et ils voient qu'il a rasé sa barbe, ou ils voient un moukri qui récite le Coran et qui a rasé sa barbe. Ils disent, ah, mais si lui, le cheikh, il a rasé sa barbe, ça veut dire que c'est pas haram. Puisque si c'était haram, il l'aurait pas fait. Puisqu'il craint Allah, puisqu'il est un alim, puisqu'il a du ilm, puisqu'il parle de l'islam. Donc, ils font des déductions de cette façon, et on sait très bien que le fait que quelqu'un, qui enseigne l'islam, qui parle de religion, commet un péché, ça ne rend pas ce péché-là halal. Hein? C'est pas parce que le cheikh ou celui qui enseigne la religion rase sa barbe que ça veut dire que c'est permis de le faire. Donc le cheikh Bazmoul, il continue et il explique, ou il cite plutôt la parole de cheikh Ibn Baz qu'on était en train de lire. Amma al-halq, fala a'lamu ahadan min ahli al-ilmi qala bi jawazihi. Walakin la yalzamu min dhalika kufru man dhanna jawaza. ظن جوازه لجهل أو تقليد بخلاف الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها فإن استباحتها كفر أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمين فإن كان ممن عاش بين الكفرة أو في بادية بعيدة عن أهل العلم فإن مثله توضح له الأدلة فإذا أصر على الاستباحة كفر ومن أمثلة ذلك الزنا والخمر ولحم الخنزير وأشباهها فإن هذه الأمور وأمثالها معلوم تحريمها من الدين بالضرورة وأدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة فلا يلتفت إلى دعوى الجهل بها إذا كان من استحلها مثله لا يجهل ذلك كما تقدم. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne, comme on a dit, la barbe, le fait de raser la barbe, il connaît aucun d'entre les hommes de science qui ont dit que c'était permis de le faire. Et comme on l'a dit, ça n'implique pas que la personne a mécru ou a rejeté la foi. En disant que c'est halal de la raser. Pourquoi? Parce que c'est possible que cette personne soit ignorante ou qu'elle suive quelqu'un aveuglément dans ces questions-là. Et ce sont des questions, comme on a dit, qui sont subtiles et dont l'ignorance est répandue. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Urfu anil liha wa qassu shawarib »« Khaliful mushrikin » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laissez pousser la barbe et couper les moustaches. Laissez pousser la barbe et couper les moustaches. Distinguez-vous des mushrikines. Donc ça c'est un exemple qui indique l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de laisser pousser la barbe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il utilise un verbe impératif, qui ordonne de faire quelque chose, ça implique que c'est une obligation. Et il y a beaucoup d'autres preuves qui montrent l'obligation de la barbe. Mais il est possible que certains individus suivent par ignorance des gens ou suivent aveuglément des gens sans connaissance. Donc, ils tombent dans le péché de raser la barbe par la suite. Contrairement aux questions qui sont connues et qui sont interdites et qui sont connues dans la religion par nécessité parce que leurs preuves sont apparentes et claires, et donc, dans ce cas-là, bien entendu, celui qui les nie, il va être considéré comme ayant fait un acte de kufr majeur si la personne qui le rend halal fait partie de ceux qui ont vécu parmi les musulmans. Si la personne qui rend ces choses-là, qui sont haram et qui sont connues et apparentes, fait partie de ceux qui ont vécu dans les pays musulmans, parmi les musulmans, alors cette personne-là, bien entendu, sera considéré comme ayant rendu halal qu'est-ce qui est haram et donc a mécru à cause de ça, d'une mécréance majeure. Toutefois, si la personne a vécu parmi les mécréants, c'est-à-dire dans des pays non musulmans, ou bien elle a vécu dans la brousse, ou dans le désert, ou dans des endroits éloignés, hein, et qu'elle n'a pas été à proximité des gens qui ont la science et qui connaissent l'islam, alors dans des cas comme ça, c'est autre chose. Et on doit expliquer et clarifier à ces gens-là les règles de l'islam, puis par la suite, une fois qu'on leur a donné les preuves et qu'ils persistent à vouloir considérer ces choses-là qui sont apparentes comme étant halal, alors on va dire de ces personnes-là par la suite qu'elles ont rejeté la foi par la suite. Des exemples de ces interdictions dans l'islam qui sont claires et apparentes, hein, que si on les nie ou si on nie leur interdiction, on sera considéré comme ayant rejeté la foi, c'est comme par exemple az-zina, la fornication ou l'adultère, al-khamr, l'alcool, ou la viande de porc, hein, ou bien des choses de ce genre. Ça, c'est des choses qui sont haram et qui sont connues. Personne ne peut dire, parmi les gens qui ont vécu parmi les musulmans, « Ah, moi, je ne savais pas que c'était haram. » Puisque ces choses-là sont connues, tout le monde le sait. Hein. Sauf, comme on a dit, des gens qui ont vécu loin des musulmans et qui, yani, ont été coupés de la science. Alors, ceux-là, yani, ils sont excusés. Toutefois, les autres, ceux qui ont vécu parmi les musulmans, ils ne peuvent pas prétendre à l'ignorance et on ne va pas prendre en considération leurs prétentions d'ignorance lorsqu'ils les rendent halal alors qu'ils sont en plein milieu des musulmans et qu'ils ont accès à la connaissance de l'islam au sujet de ces questions-là. Le cheikh, il mentionne par la suite, donc ça c'est une fatwa du cheikh Ibn Baz à ce sujet-là. Maintenant, il mentionne une autre fatwa au sujet de Al-Uzru Bil-Jahl, qui a été justement clarifiée à ce sujet-là par le cheikh Ibn Baz également. Wujjiha lahu su'alun manhum alladhina yu'zaruna bil-jahl wa hal yu'zaru al-insan bi-jahlihi fi al-umur al-fiqhiyya أم في أمور العقيدة والتوحيد وما هو واجب العلماء نحو هذا الأمر. On a posé la question au cheikh Ibn Baz, c'est la question suivante: qui sont les gens qui sont excusés pour leur ignorance, et est-ce que quelqu'un est excusé par rapport à son ignorance dans les questions de fiqh, ou bien dans les questions de aqidah et de tawhid? Et quelle est l'obligation des ulama vis-à-vis de cette chose? Et donc le cheikh, il a répondu, cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit: فأجاب دعوى الجهل والعذر به فيه تفصيل وليس كل واحد يعذر بالجهل فالأمور التي جاء بها الإسلام وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم للناس وأوضحها كتاب الله وانتشرت بين المسلمين لا تقبل فيه دعوى الجهل. Le cheikh, il dit, en ce qui concerne la prétention d'être ignorant, hein, et l'excuse par rapport à l'ignorance, il y a des détails à donner au sujet de cette question-là, et ce n'est pas tout le monde qui est excusé pour son ignorance. Donc, les questions ou les choses qui ont été ramenées par l'islam et clarifiées par le messager, sallallahu alayhi wa sallam, à tous les hommes, et qui ont été clarifiés par le livre d'Allah, et qui ont été propagés parmi les musulmans, dans ces choses-là, on n'accepte pas la prétention d'ignorance, et en particulier les choses qui ont rapport avec la aqidah, la croyance, et les fondements de la religion. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ بَعَثَ نَبِيَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِتَوْضِيحِ لِلنَّاسِ دِينَهُمْ وَيَشْرَحُهُ لَهُمْ ليوضح للناس دينهم ويشرحه لهم وقد بلغ البلاغ المبين وأوضح للأمة حقيقة دينها وشرح لها كل شيء وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وفي كتاب الله الهدى والنور فإذا ادعى بعض الناس الجهل فيما هو معلوم من الدين بالضرورة وقد انتشر بين المسلمين كدعوى الجهل بالشرك وعبادة غير الله عز وجل أو دعوى أن الصلاة غير واجبة أو أن صيام رمضان غير واجب، أو أن الزكاة غير واجبة، أو أن الحج مع الاستطاعة غير واجب، فهذا وأمثاله لا تقبل فيه دعوى الجهل ممن هو بين المسلمين، لأنها أمور معلومة بين المسلمين. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager, son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour clarifier la religion pour les hommes et pour l'expliquer aux hommes. Et il a transmis la religion d'une transmission claire, et il leur a clarifié pour la umma la réalité de leur religion, et il leur a expliqué tout ce qu'ils avaient besoin de connaître au sujet de la religion. Et il les a laissés sur une voie qui est éclatante et claire, hein, et dont la nuit et le jour sont aussi clairs. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre la nuit et le jour, tellement cette voie, elle est claire. On la voit, on voit clairement sur cette voie, jour comme nuit, hein. La voie, elle est éclatante et illuminée. Et donc, le cheikh, il dit que également, le livre d'Allah, c'est une guidance et c'est une lumière. Donc si quelqu'un vient par la suite parmi les gens et prétend ignorer des choses qui sont connues de la religion par nécessité, alors que ces choses-là sont connues et répandues parmi les musulmans, hein, comme par exemple des gens par exemple qui vont prétendre ignorer que le shirk et que l'adoration d'autres que Allah est haram, ou bien des gens qui vont prétendre ignorer que la salat est obligatoire, des gens qui vont dire la salat c'est pas obligatoire, ou des gens qui vont dire le jeûne du ramadan c'est pas obligatoire, ou qui disent la zakat c'est pas obligatoire, ou qui disent que le hajj avec la capacité c'est pas obligatoire, des gens qui vont nier des choses comme ça, ou qui vont nier l'obligation de ces choses-là, ou l'interdiction des choses qui sont interdites parmi ces choses-là, alors on ne va pas accepter de ces gens-là ce qu'ils prétendent comme ignorance, alors qu'ils vivent parmi les musulmans, parce que ce sont des choses qui sont connues entre les musulmans et parmi les musulmans. وَقَدْ عُلِمَتْ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَانْتَشَرَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَ الْجَهْلِ فِي ذَلِكَ. Ces choses ont été connues par nécessité de la religion de l'islam, et elles ont été propagées parmi les musulmans, et donc on ne peut pas accepter ce que les gens prétendent d'ignorance parmi ces choses. وَهَكَذَا إِذَا دَعَى أَحَدٌ بِأَنَّهُ يَجْهَلُ مَا يَفْعَلُهُ الْمُشْرِكُونَ عِنْدَ الْقُبُورِ أَوْ عِنْدَ الْأَصْنَامِ مِنْ دَعْوَةِ الْأَمْوَاتِ وَالْإِسْتِغَاثَةِ بِهِمْ وَالذَّبْحِ لَهُمْ وَالنَّذْرِ لَهُمْ أَوْ الذَّبْحِ لِلْأَصْنَامِ أَوْ الْكَوَاكِبِ أَوْ الْأَشْجَارِ أَوْ الْأَحْجَارِ أَوْ طَلَبِ الشِّفَاءِ أو النصر على الأعداء من الأموات أو الأصنام أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء، فكل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة وأنه شرك كبير، وقد أوضح الله ذلك في كتابه الكريم، وأوضحه رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقي 13 سنة في مكة وهو ينذر الناس وهو ينذر الناس من هذا الشرك، وهكذا في المدينة 10 سنين يوضح لهم وجوب إخلاص العبادة لله وحده، ويتلو عليهم كتاب الله مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، وقوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقوله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وبقوله سبحانه مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وبقوله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وبقوله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Donc le cheikh il explique, il dit, celui qui prétend parmi les gens qu'il ignore ce que les gens font autour des tombes, ce que font les mouchrikoun autour des tombes, hein, et autour des idoles, d'appeler les morts, de chercher le secours des morts, d'égorger ou d'immoler des animaux auprès d'eux, de leur offrir des vœux, de sacrifier pour les idoles, ou pour les étoiles, ou pour les arbres, ou pour les pierres, ou leur demander la guérison, ou la victoire contre les ennemis, hein, de demander ces choses-là des morts et des idoles, des djinns, ou des anges, ou des prophètes, il dit que, il prétend que ces choses-là, c'est shirk, il prétend qu'il ignore que ces choses-là, c'est shirk. Alors le cheikh il dit, alors que toutes ces choses-là sont connues par nécessité de la religion, de l'islam, que ce sont des choses qui sont des formes de shirk, de grandes formes de shirk, et Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié cela dans son livre de la clarification la plus complète, et de même que son messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est resté 13 ans à Mecca pour clarifier ces choses-là pour les hommes, pendant 13 ans à Mecca, il mettait en garde et il avertissait contre le shirk. Et de même qu'à Médine, pendant 10 ans, il a clarifié pour les gens l'obligation de purifier l'adoration pour Allah seul. Et il leur récitait les versets dans le Coran, comme les versets dans lesquels Allah dit « Et ton Seigneur a ordonné que rien ne soit adoré excepté lui ». Dans Surat al-Isra, le verset 23, ou bien le verset dans lequel Allah dit dans Surat al-Fatiha, « Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, et c'est à toi seul qu'on demande l'aide. » Et les versets comme le verset 5 dans Surat al-Bayyina, « Et ils n'ont été commandés que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur, un hunafa, c'est-à-dire des gens qui se tournent uniquement vers Allah et qui s'écartent et qui se détournent du shirk et des idoles. » Et le verset 2 et 3 dans Surat al-Zumar, adorer Allah en lui vouant un culte pur, n'est-ce pas à Allah que revient la pureté dans la religion? Et il mentionne également le verset 162 et 163 dans Surat al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ma prière et mon sacrifice et ma vie et ma mort sont pour Allah le Seigneur des mondes, il n'a aucun partenaire, et c'est ça qu'on m'a commandé de respecter et d'établir, et je suis le premier d'entre les musulmans. De même que le verset 1 et 2 dans Surat al-Kawthar, inna a'tainaka al-Kawthar, nous t'avons certes donné al-Kawthar, alors établis la salat pour ton Seigneur et immole pour lui. C'est-à-dire, immole uniquement pour lui et établis uniquement ta salat pour lui seul. Et le verset 18 dans Surat al-Jinn, et les mosquées sont pour Allah, alors n'invoquez personne d'autre avec Allah. N'invoquez personne d'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. De même que le verset 117 dans Surat al-Mu'minun, que l'imam a justement récité durant la prière dans Salat al-Maghrib, qu'on vient juste de prier tout à l'heure, hein, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité au sujet de laquelle il n'y a aucune évidence, alors certes son châtiment ou son jugement sera auprès de son Seigneur. Il sera jugé par son Seigneur, et certes Allah ne donne pas le succès aux kafiroun, et ne donne pas le succès aux mécréants, c'est-à-dire que celui qui invoque d'autres avec Allah, eh bien il est mécréant, puisque Allah dit « Innahu la yuflihu al-kafiroun ». Le cheikh dit ensuite « Wa hakaza al-istihza'u bid-din, wa al-ta'nu fihi, wa al-sukhriyatu bihi, wa al-sub, wa al-sab, kullu hadha min al-kufri al-akbar ». ومما لا يعذر فيه أحد بدعوى الجهل لأنه معلوم من الدين بالضرورة أن سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر الأكبر وهكذا الاستهزاء والسخرية قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc le cheikh il dit de même que de se moquer de la religion ou d'insulter la religion, ou de critiquer la religion, ou de se moquer de la religion, hein, ou d'injurer la religion, ou de se railler de la religion, tout ça fait partie des formes de mécréance majeure, dans lesquelles il n'y a pas d'excuse pour celui qui prétend être ignorant. parce que ces choses sont connues par nécessité de la religion de l'islam. Celui qui insulte l'islam, la religion de l'islam, celui qui insulte le messager, alors il a commis un acte de kufr majeur. De même que celui qui se moque et qui se raille de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat At-Tawbah, le verset 65 et 66, dit ô Muhammad, est-ce que c'est d'Allah et de ses versets et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez certes mécru après avoir eu la foi. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالواجب على أهل العلم في أي مكان أن ينشروا هذا بين الناس وأن يظهروه حتى لا يبقى للعامة عذر وحتى ينتشر بينهم هذا الأمر العظيم وحتى يتركوا التعلق بالأموات والاستغاثة بهم في أي مكان في مصر أو الشام أو العراق أو في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو في مكة أو غير ذلك وحتى يتنبه الحجيج ويتنبه الناس ويعلم شرع الله ودينه فسكوت العلماء من أسباب هلاك العامة وجهلهم فيجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبلغوا الناس دين الله وأن يعلموهم توحيد الله وأنواع الشرك بالله حتى يدعوا الشرك على بصيرة وحتى يعبدوا الله وحده على بصيرة. Le Cheikh, il dit, et l'obligation des hommes de science, peu importe où ils sont, c'est de transmettre et de propager entre les gens cette connaissance pour qu'il ne reste plus d'excuses pour les communs d'entre les musulmans. Et pour que cette grande connaissance et cette information importante soit propagée parmi les gens. Et pour que les gens cessent de s'accrocher aux morts et de chercher le secours et l'aide des morts, peu importe à quel endroit ils sont, que ce soit en Égypte ou en Syrie ou en Irak ou bien à Médine auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien à Mecca ou à d'autres endroits de ce genre, jusqu'à ce que les gens qui viennent faire le hajj soient informés et pour que les gens connaissent la religion d'Allah et la charia d'Allah. Et le silence des savants au sujet de ces choses-là, c'est parmi les causes qui vont faire périr les gens ordinaires parmi les musulmans et qui va les rendre ignorants. Donc le cheikh, il dit, il est obligatoire aux hommes de science, peu importe où ils sont, de transmettre aux gens la religion d'Allah et de leur enseigner le tawhid d'Allah et les catégories de shirk qui peut être commises avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour que les gens abandonnent le shirk avec connaissance et compréhension, et pour qu'ils puissent adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul avec compréhension. وهكذا ما يقع عند قبر البدوي أو الحسين رضي الله عنه أو عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو عند غيرهم يجب التنبيه على هذا الأمر وأن يعلم الناس أن العبادة حق لله وحده ليس لأحد فيها حق كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال سبحانه فاعبدوا الله مخلصين له الدين أو فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني أمر ربك يعني قضى ربك يعني أمر ربك. Donc le cheikh, il explique de même que qu'est-ce qui se passe auprès de la tombe de Al-Badawi en Égypte ou bien auprès de la tombe de Al-Hussein, que ce soit à Karbala ou en Égypte ou à Najaf, qu'est-ce que les Rafida font là-bas dans ces endroits-là qui adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans les mosquées au sujet des dans lesquelles ils ont mis des tombes ou bien des tombes sur lesquelles ils ont construit des mosquées, ou bien la tombe de Abdul Qadir al-Jilani, le Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, ou la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Médine, ou peu importe quelle autre tombe, peu importe de quel autre homme ou de quel autre saint. Et le Cheikh, il dit, il est obligatoire de faire attention à ces choses-là et d'enseigner aux gens que l'adoration est un droit exclusif d'Allah qui lui revient à lui seul et personne n'a de droit dans ce droit qui est exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surat al-Bayyinah, comme on l'a dit tout à l'heure, et ils n'ont été commandés que d'adorer Allah lui seul en lui vouant un culte pur et en hunafa, en se détournant du shirk et des idoles et en se tournant uniquement vers Allah. Et il mentionne dans Surat al-Zumar le verset 2 et 3, alors adore Allah en lui vouant un culte pur, hein, avec ikhlas. N'est-ce pas à Allah que revient la religion de sincérité et de pureté? Et il mentionne l'autre verset qui dit, et ton Seigneur a ordonné que rien ne soit adoré excepté lui. فالواجب على أهل العلم في جميع بلاد الإسلامية أن وفي مناطق الأقليات الإسلامية وفي كل مكان أن يعلموا الناس توحيد الله وأن يبصروهم بمعنى عبادة الله بمعنى عبادة الله وأن يحذروهم من الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب وقد خلق الله الثقلين ليعبدوه وأمرهم بذلك لقوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعبادته هي طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وإخلاص العبادة له وتوجيه القلوب إليه قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أما المسائل التي تخفى مثل بعض المسائل المعاملات وبعض شؤون الصلاة وبعض شؤون الصيام فقد يعذر فيها الجاهل. Donc le cheikh explique, il dit, donc l'obligation pour les hommes de science dans tous les pays musulmans, dans toutes les régions où il y a des minorités musulmanes, dans tous les endroits sur terre, c'est qu'on enseigne aux hommes le tawhid d'Allah et qu'on leur fasse comprendre la signification de l'adoration d'Allah pour qu'ils puissent prendre garde vis-à-vis du shirk que les gens font avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le plus grand de tous les péchés. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé les al-thaqalayn, les hommes et les djinns, pour qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et il leur a ordonné de n'adorer que lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 56, dans surat al-Dhariyat, nous avons créé les djinns et les hommes que pour, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et adorer Allah, ça signifie de l'obéir, de lui obéir et d'obéir à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et de purifier notre adoration pour lui et de diriger les cœurs vers lui. Et il mentionne le verset 21 dans Surat al-Baqarah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Oh vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient là avant vous pour que vous puissiez atteindre la piété et la taqwa. » En ce qui concerne les autres questions de la religion qui peuvent échapper à certaines personnes, comme certaines questions qui ont rapport avec les interactions, les mu'amalat, ou bien les questions qui ont rapport avec la salat, certaines questions qui ont rapport avec la salat, ou certains détails qui ont rapport avec le jeûne. Alors, dans des questions comme ça, quelqu'un peut être excusé pour son ignorance. « Wa'azara al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ali al-Ladhi, ou ala al-Ladhi, ahrama fi jubbatin, wa talattakha bittib. » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع عنك الجبة واغسل عنك هذا الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك ولم يأمره بفدية لجهله وهكذا بعض المسائل التي قد تخفى يعلم فيها الجاهل ويبصر فيها. Donc le cheikh il dit, comme l'exemple du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a excusé la personne qui avait fait son ihram alors qu'il portait un manteau et qu'il avait mis du parfum, alors que ça c'est quelque chose qui vient en contradiction avec l'état d'ihram, hein, lorsqu'on va faire la umra ou le hajj, hein, on peut pas faire le hajj ou la umra et être en état d'ihram alors qu'on a des vêtements qui sont cousus ou bien de mettre du parfum durant ces moments-là. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, enlève ce manteau et lave ce parfum que tu as mis ou cette huile parfumée que tu as mis et fais dans ta umrah ce que tu fais dans ton hajj. Et il ne lui a pas ordonné de faire une compensation ou une expiation par rapport à cette erreur qu'il avait faite dans son hajj à cause de son ignorance. Wahakadha, et de même que les autres questions qui peuvent être inconnue de certaines personnes et que certains musulmans peuvent ignorer parfois, il faut leur faire connaître ces questions-là et les éduquer et leur enseigner ces sujets-là. Donc, le cheikh, on va terminer juste, il ne reste pas beaucoup, juste pour que, yani, on ne s'arrête pas en plein milieu du sujet. Donc, le cheikh, il complète, il dit « Amma أصول العقيدة وأركان الإسلام والمحرمات الظاهرة فلا يقبل في ذلك دعوى الجهل من أي أحد من بين المسلمين فلو قال أحد وهو بين المسلمين إنني ما أعرف أن الزنا حرام فلا يعذر أو قال أنا ما أعرف أن عقوق الوالدين حرام فلا يعذر بل يضرب ويؤدب أو قال ما أعرف أن اللواط حرام فلا يعذر لأن هذه أمور ظاهرة معروفة بين المسلمين في الإسلام. Le cheikh il dit, en ce qui concerne les questions qui ont rapport au fondement de la religion et aux piliers de l'islam, hein, et des interdictions apparentes, alors on ne peut pas accepter la prétention que certains vont donner qu'ils sont ignorants lorsqu'ils sont parmi les musulmans et qu'ils vivent parmi les musulmans. Donc si quelqu'un par exemple, alors qu'il vit parmi les musulmans, dit « Je ne sais pas que le zina c'est haram », il n'est pas excusé. Ou si il dit « Je ne sais pas que d'être désobéissant envers mes parents c'est haram », alors il n'est pas excusé. Hein? Il n'est pas excusé, au contraire il doit être puni et il doit être éduqué. Hein? Et il dit « Et celui qui dit « Je ne sais pas que l'homosexualité » ou la sodomie, c'est quelque chose qui est haram, il n'est pas excusé. Hein? Ce sont des choses qui sont connues et qui sont apparentes et connues parmi les musulmans. ولكن لو كان في بعض البلاد البعيدة عن الإسلام أو في مجاهيل أفريقيا التي لا يوجد حولها مسلمون قد يقبل منه دعوى الجهل وإذا مات على ذلك يكون أمره إلى الله ويكون حكمه حكم أهل الفترة والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة فإن أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار أما الذي بين المسلمين ويقوم بأعمال الكفر بالله ويترك الواجبات المعلومة فهذا لا يعذر لأن الأمر واضح والمسلمون بحمد الله موجودون ويصومون ويحجون ويعرفون أن الزنا حرام وأن الخمر حرام وأن العقوق حرام وكل هذا معروف بين المسلمين وفاش بينهم فدعوى الجهل في ذلك دعوى باطلة والله المستعان. Donc le cheikh il termine donc cette fatwa et cette explication en disant que par contre si quelqu'un vit dans les pays qui sont très très éloignés de l'islam, dans des endroits inconnus de l'Afrique, hein, et qu'il n'y a pas autour d'eux, par exemple, aucun musulman, ou bien par exemple, en Amazonie ou dans d'autres régions très très loin, alors dans ces cas-là, ces gens-là peuvent être excusés, on peut accepter lorsqu'ils prétendent qu'ils ignorent. Et si ces gens-là meurent, dans ces situations-là, son cas sera à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire c'est Allah qui va les juger sur ces questions-là s'ils meurent en ayant commis certaines choses qui viennent en contradiction avec l'islam, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner un test particulier et une épreuve spéciale au jour de la résurrection. Et souvent les musulmans posent des questions parfois à ce sujet-là. Qu'est-ce qui arrive avec les gens qui n'ont jamais entendu parler de l'islam, qui n'ont jamais entendu parler du Coran, qui n'ont jamais entendu parler de la sunna ou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vivent dans des endroits perdus dans les jungles, ou dans l'Amazone, ou en plein milieu de la brousse, en Afrique, ou dans le désert, qui n'ont jamais su qu'est-ce que c'était l'islam. Est-ce que ces gens-là vont être en enfer? Est-ce que ces gens-là sont des koufars? Ainsi de suite. Et donc, le cheikh, il dit que ces gens-là, ils peuvent être excusés pour leur ignorance, et leur cas sera à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va les juger. Et qu'est-ce qui est correct de dire à ce sujet-là, c'est qu'au jour de la résurrection, ils auront une épreuve spéciale et un test. Hein? Et s'ils répondent correctement et qu'ils obéissent à ce test et à cette épreuve, ils vont rentrer au paradis. Toutefois, s'ils désobéissent, ils entreront en enfer. En ce qui concerne les musulmans qui font des actes de kufr, alors qu'ils vivent parmi les musulmans et qui abandonnent les obligations religieuses qui sont connues dans la religion, alors ceux-là ne sont pas excusés parce que ce sont des choses qui sont claires. Et les musulmans, par la grâce d'Allah et par la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont présents, ils jeûnent, ils font le hajj, ils savent que le zina c'est haram, que l'alcool c'est haram, que de désobéir aux parents c'est haram, et ils savent, ces choses-là c'est connu entre les musulmans, et ce sont des choses qui sont propagées et répandues chez les musulmans. Donc quelqu'un qui prétend l'ignorance dans ces questions-là, alors c'est une fausse prétention. Wallahu al-musta'an. Donc ça c'est la fin de cette fatwa du Cheikh Ben Baz à ce sujet-là. Donc on va s'arrêter ici nous pour aujourd'hui inshallah, et on continuera donc la suite de cette explication du Cheikh dans le cours précédent, le cours prochain pardon, et probablement que ce sera demain après le on a décidé de rajouter un cours pour être capable de terminer le livre, mais sinon même probablement qu'avec deux cours seulement on pourrait le finir. Donc étant donné qu'il ne reste pas beaucoup de pages à lire, on va laisser le programme tel qu'il est, hein. Donc demain inshallah ce sera l'avant-dernier cours après le maghreb, et mardi inshallah ce sera le dernier cours après le maghreb bi'ithnillah, et on pourra inshallah avec ça compléter le livre inshallah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.